J'ai entendu dire qu'il avait approximativement 2 heures de retard. 2 heures? Ce n'est pas possible! On va arriver à quelle heure? Vers minuit et demi, je pense.